La misère, c'est comme la mort. Moins on en parle, mieux on se porte. Les mains tremblantes du vieillard, c'est du ciné. Une vieille histoire. On ne va pas chercher plus loin, il peut crever notre prochain. Dieu le protège, j'y suis pour rien. Il peut crever notre voisin. Mais n'oublie jamais que le vieillard qui va mourir, il te ressemble. La peur, c'est comme le reste. Faut pas jouer à ces jeux-là. On se protège avec son pèse, mais la peur ne s'achète pas. Tu peux bien rire dans ton plastron, tout passe, un jour tu passeras. Tes os en terre se pourriront, que tu sois curé ou avocat. Alors pourquoi avoir si souvent oublié que le vieillard qui t'implorait te ressemblait? Femme, sous tes fourrures et tes diamants se cache un corps qui s'est fané. Tu n'as jamais connu d'amants qui furent capables de t'aimer. L'amour se donne sans réfléchir, le fric ne peut pas l'acheter. On ne peut pas refaire sa vie, on ne peut pas se repuceler. La vieille qui est morte de froid te ressemblait. Malheur aux faiseurs de chansons, la vérité faut l'oublier. Juste un peu de contestation pour se faire croire que tout va changer. De club en club, de fille en fille, notre jeunesse part en fumée. Et pour ne pas rater sa vie, on se refait une beauté. Mais n'oublie jamais que le vieillard qui fait la manche, montre ton cul à l'univers, tu sais, il n'en rougira pas. On se fout de tout et tes vers, ils ne les écouteront pas. Cache ton petit cœur et va dormir, la vie ne peut pas être un rêve. Va demander à tes amis, qui donc y croit? Donne une pièce au vieillard qui va mourir de faim. Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien.